Troisième élément, et peut-être le plus dangereux et le plus inquiétant pour l'avenir, l'implication du secteur privé et des entreprises de la nouvelle technologie, de la téléphonie mobile et d'Internet, dans l'ensemble du processus de surveillance des citoyens par la NSA. Et là, on rigole plus. Puisqu'on parle, je ne vous parle pas de petites boîtes, je vous parle d'ATT, numéro un du téléphone au monde, je vous parle de Google, le géant d'Internet, qui est en position de monopole sur un certain nombre de secteurs, dont des secteurs qui sont quand même extrêmement importants. Savez-vous que Google a une position de leadership sur la publicité mondiale du web, puisque Google a aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires mondial publicitaire du web. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une société n'avait eu un tel poids sur un secteur économique, puisque là, on parle d'une échelle mondiale, évidemment, et pas de l'échelle des États-Unis, de la France, etc. Donc je vous parle d'ATT, je vous parle de Google, je vous parle d'Apple, je vous parle de Microsoft, je vous parle de Verizon, qui est le numéro 2 du téléphone aux États-Unis, je vous parle de Facebook, je vous parle de Yahoo, je vous parle de Vodafone, qui jusqu'à un passé récent était la maison mère de SFR en France. Bref, je vous parle de sociétés que tous, il y a un Apple sur ce bureau avec un abonnement à SFR. On peut faire les poches ici. Je pense qu'il y a un certain nombre d'Apple et un certain nombre d'abonnements. Je ne vais pas faire d'interro ni au crâne ni orale ni écrite, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette pièce qui sont des usagers fréquents, voire frénétiques de Facebook. Donc, nous savons aujourd'hui que l'ensemble de ces instruments que nous utilisons tous les jours ont contribué à la surveillance massive de la population par la NSA. La quatrième leçon qu'on peut retenir des révélations de Snowden, c'est évidemment la collaboration étroite pour la surveillance entre les gouvernements américains et britanniques d'abord. Et on voit que cette collaboration étroite entre les gouvernements américains et britanniques, elle remonte, souvenez-vous, à l'après-septembre 2001, à la guerre en Irak, et aux mensonges d'État sur les armes de destruction massive en Irak, dont George Bush et Tony Blair, à l'époque, le Premier ministre britannique, ont été, disons, les moteurs, pour ne pas dire les concepteurs. Et donc, on voit bien que l'ensemble du système de surveillance qui s'est mis en place entre les Américains et les Britanniques s'est fait au départ pour protéger des mensonges d'État. On nous a surveillés pour voir si nous-mêmes, nous ne pouvions pas dénoncer les mensonges. Alors, encore une fois, quand je dis vous et moi, ça paraît un peu démesuré, tout ça, on se dit, attends, il exagère, etc. Non. Puisque chacun d'entre nous a le pouvoir de citoyen de s'opposer à des mensonges d'État, et qu'on a été un certain nombre à l'époque, y compris d'ailleurs des chefs d'État. Monsieur de Villepin, à l'Assemblée générale des Nations unies, pour ne parler que de lui, a dénoncé ce qui nous semblait être effectivement des mensonges d'État. Et que derrière, il fallait surveiller, si j'ose dire, l'onde de choc. C'est de ces mensonges d'État qu'est née la convergence, la collaboration entre le gouvernement américain et le gouvernement britannique sur la surveillance des citoyens. Et évidemment, cette convergence entre le NSA et le GCHQ, qui est son équivalent britannique, ont impliqué aussi trois autres pays anglo-saxons, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc c'est mis en place, avec ces cinq pays, une espèce de coordination internationale parallèle, évidemment en dehors de tout cadre diplomatique ou juridique, pour organiser la surveillance mondiale des citoyens. Donc voilà ce qu'on peut retenir de l'affaire Snowden. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste sur deux fronts? Je regarde l'heure, ça va. Le front médiatique et le front politique. Alors, vous l'avez compris, je suis un journaliste, j'ai fait toute ma carrière dans la presse, j'ai fait un bouquin sur la presse, et donc le front médiatique m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'il doit vous intéresser aussi comme citoyen. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre en place au niveau mondial une stratégie que je vais appeler la loi du silence. Et que cette loi du silence, elle se retrouve d'abord dans les effectifs des entreprises de presse. et dans les effectifs des entreprises de communication. On assiste aujourd'hui aux États-Unis, en 10 ans, à une montée en puissance formidable des entreprises de communication et donc de ce qu'on appelle les communicants, au détriment des journalistes. Je vais vous donner des chiffres, parce que là, je les ai. Il y a en 10 ans aux États-Unis moins 17% de journalistes. Et en 10 ans, même période, aux États-Unis, il y a plus 22% de communicants. Aujourd'hui, vous avez 43 000 journalistes sur l'ensemble du territoire américain pour plus de 200 000 communicants. Ce qui fait que le rapport des communicants par rapport aux journalistes est de 4,6 contre 1. Deuxièmement, et c'est très lié. Alors, je vous ai pris le chiffre des journalistes français en me disant ça peut vous intéresser aussi au cas où. En France, nous avons 36 317 journalistes. Donc un chiffre légèrement inférieur, mais quand même, vous voyez que par rapport à 43 000, compte tenu de l'importance du territoire, nous avons plus de journalistes en France. Qu'est-ce que ça entraîne, tout ça? Ça entraîne que moins de journalistes, plus de communicants, veut dire moins de moyens, moins d'enquêtes, et une information qui va être de plus en plus complexe à produire, compte tenu de la changement de nature ces 15 dernières années du patronat de la presse, non seulement française, mais aussi de plus en plus mondiale. Le phénomène auquel on assiste est extrêmement intéressant, puisque moi, j'ai connu une presse qui pouvait enquêter sans limite, si ce n'est les limites de la loi de 1881 sur la diffamation et la protection de la vie privée. Donc voilà la barrière qu'a connue la presse française. Barrière qui est à peu près tombée ces 10 dernières années, mais c'est certainement un autre sujet. Le reste de l'enquête était une enquête libre. Aujourd'hui, on voit sur toutes sortes d'affaires que la presse va avoir de plus en plus de difficultés à enquêter. Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a beaucoup moins de moyens, et deuxièmement parce que les enquêtes sont de plus en plus compliquées. Les enquêtes de la NSA, le décryptage des données, l'analyse de ces données nécessitent des compétences et surtout beaucoup de temps. Or, le temps, comme on disait autrefois, c'est de l'argent. Hein ? Quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas de temps. Alors les journaux essayent de s'en sortir en organisant des coopérations mondiales, en faisant appel, mais ça c'est très peu une tradition française, mais ça s'est fait de manière formidable avec le Guardian en Grande-Bretagne, devant la masse des documents que le Guardian avait analysés dans le cas de Snowden. Le Guardian a fait appel à ses communautés de lecteurs, donc aux lecteurs du Guardian en ligne, et leur a demandé de prendre... Vous êtes, par exemple, madame, une spécialiste de la Jordanie. Et c'est vous qui avez analysé les télégrammes de la NSA sur la Jordanie. Et donc, vous avez amené votre expertise. Il y a plus de 17 000 lecteurs du Guardian qui se sont inscrits et qui ont participé et permis une meilleure analyse des données livrées par Snowden sur les activités de la NSA dans différents pays du monde. Donc, cette importance d'une presse indépendante, elle est centrale, mais elle est compliquée. Parce que pratiquement aujourd'hui, la presse indépendante a disparu du paysage mondial. Et vous n'avez plus que deux exemples qui ont joué un rôle dans ces affaires, surtout un. D'abord, le Guardian. Alors, je vous ai parlé du Guardian il y a une seconde. Le Guardian a une caractéristique principale du point de vue capitalistique, c'est qu'il appartient à ce qu'on appelle un trust en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une fondation à but non lucratif, incessible. Qu'est-ce que ça veut dire, incessible, du point de vue du capital ? C'est que ça vaut zéro, et que ça vaudra toujours zéro, quelle que soit la valeur du journal, de ses équipes et de leur travail. Et que donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas vendre le Guardian, ça garantit fondamentalement son indépendance, à la condition, bien entendu, que le Guardian gagne suffisamment d'argent pour vivre. Ce qui est le cas, puisqu'on s'aperçoit que les lecteurs, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, Dieu merci, vont toujours préférer une information de qualité à une information médiocre ou vendue. On a un exemple cette semaine avec le Canard Enchaîné. Hein. Le Canard Enchaîné fête ses 100 ans cette semaine. Le Canard Enchaîné, c'est un modèle qui donne des boutons à tous les patrons de presse. Voilà un journal sans publicité, indépendant, qui appartient à ces journalistes et dont le capital, comme celui du Guardian, est incessible. C'est-à-dire que le Canard Enchaîné vaut zéro. Vous ne pouvez pas mettre le Canard Enchaîné sur le marché, ça sera toujours la propriété de son équipe. Eh bien, du coup, c'est ces journaux-là, le Guardian, beaucoup en Grande-Bretagne, le Canard enchaîné, pas mal chez nous, qui, évidemment, sortent encore des révélations sur les faces cachées de nos sociétés. Green Greenwald. Alors, Green Greenwald, c'était l'homme qui a sorti l'affaire Snowden, qui était dans le film, vous l'avez vu, de Laura Poitras, avec son collègue Jeremy Scahill, dans cette chambre d'hôtel de Hong Kong, à recueillir ses révélations. Il a monté un site, que je vous incite, si vous lisez l'anglais, à consulter de temps à autre, qui s'appelle The Intercept, et dont la vocation est, comme son nom l'indique, d'intercepter l'ensemble des données et de faire des contre-enquêtes. Donc on amène maintenant beaucoup d'informations à Snowden, à Greenwald, pardon, beaucoup d'informations, et lui va gérer, vérifier et mettre en place, sur la base de ce qu'était autrefois Wikileaks, des réseaux mondiaux de traitement de ces données qui nous arrivent. Là encore, The Intercept, qui s'est lancé il y a à peine un an, a compris ou a retenu la leçon du Guardian ou la leçon du Canard enchaîné et s'est mis comme statut une statue de fondation. Et donc on voit bien que tout ça est connecté, hein, que tout ça est lié. Aujourd'hui, pour nous, pour moi, on est face à un déséquilibre majeur entre la finance et les États. Et dans ce déséquilibre majeur entre la finance et les États, les médias sont devenus une variable d'ajustement. Les médias, pour l'essentiel, en tout cas en France, mais pour beaucoup aux États-Unis, sont passés dans les mains des entreprises, du web, de la téléphonie. Un peu du luxe. En tout cas, les entreprises du web et de la téléphonie, qui ont elles-mêmes été très largement les collaborateurs de la NSA dans la surveillance des citoyens. Donc on ne voit pas très bien l'intérêt à terme des médias de dénoncer les turpitudes de leurs propres propriétaires. Et ça, c'est quelque chose auquel on va être confronté de plus en plus. Et cette pauvre presse française, vous allez assister dans les prochaines semaines à des bains de sang dans différents titres, à commencer par l'Express, qui est quand même le troisième hebdo ou le deuxième hebdo français. On va voir que cet déséquilibre, eh ben, va avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'il va obliger les citoyens, c'est-à-dire vous et moi, à agir non plus seulement sur le front médiatique, mais sur le front politique. D'abord, il y a un devoir, je dirais, moral, et qui, là, concerne beaucoup Amnesty International comme organisation, les lanceurs d'alerte sont souvent en difficulté. Et il faut les défendre. Il faut faire des campagnes pour eux. C'est très important. Chelsea Manning, Bradley Manning, est en prison, là, pour l'instant, pour 35 ans. Or, c'est grâce à lui, grâce à elle, qu'on connaît l'ensemble des turpitudes des États-Unis en Afghanistan et en Irak. C'était ce qu'on a appelé le Cablegate. Aujourd'hui, cette personne de 27 ans est en train de passer par pertes et profits. Julian Assange, le patron de Wikileaks, peut-être qu'il a violé. Mais en attendant, il a le droit à un procès. Et à un procès équitable. Or, aujourd'hui, s'il est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres, c'est parce que, précisément, il n'a pas la garantie d'un procès équitable. Donc nous devons nous battre pour Snowden. Nous devons nous battre pour Manning. Snowden, le droit de rentrer dans son pays sans être inquiété. Manning, le droit de sortir de prison. Julian Assange, le droit d'être jugé de manière équitable. Bref, ces combats-là sont des combats immédiats. Sont les combats que nos amis d'Amnesty, et je sais pas à gauche ou à droite, et nos amis du Diplo partagent très largement. C'est des combats vitaux. Mais au-delà, il y a d'autres combats, et je voudrais faire référence ici à un Français, un chercheur, quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui s'appelle André Sicocella. Et André, alors je dis André parce que je l'ai connu, c'est pour ça que j'en parle, au début des années 2000, c'est un chimiste, c'est un espèce, alors Il rirait, mais je lui ai dit, donc à l'époque, c'est un savant cosinus, hein, c'est-à-dire il est là, il a 60 balais avec ses cheveux longs, ses dossiers sous les bras, c'est une espèce de savant fou et tout, mais il est un grand spécialiste des risques sanitaires, et en 1971, il est rentré comme chercheur à l'Institut national de recherche et de sécurité. En 1994, il va découvrir les dangers des effets pour la santé des éthers de glycol. Alors bon, l'éther de glycol, c'est quelque chose que vous ne maniez pas quotidiennement, mais pourtant si, mesdames. Vous le maniez quotidiennement, l'éther de glycol, puisqu'il y en a dans les peintures, il y en a dans les détergents, c'est-à-dire dans les lessives, il y en a dans les produits pour laver les carreaux, les lave-vitres, pardon, etc., etc. Donc il y en a dans les produits de tous les jours. André a vécu à la fin des années 90 une campagne terrible. Ses révélations ont été mises sous le boisseau. On l'a traité de fou, on l'a traité de menteur. Et pourquoi ? Parce qu'on revient à ce que nous disait tout à l'heure sa collègue rhumatologue, Irène Frachon, les intérêts des labos n'étaient pas de rendre publics ces effets pervers. Et donc, comme les labos finançaient en partie, de manière fractionnée, mais non, c'est la salle B, c'est pas la salle A, c'est le labo C, c'est pas le labo C. En réalité, c'est ce poids des labos qui ont empêché, à l'époque, les révélations d'André Tchicocella de sortir et qui l'ont conduit à un isolement, à une solitude, à une détresse que j'ai constatée personnellement au début des années 2000. C'est-à-dire ce type était seul contre la terre entière, contre les autorités sanitaires, contre ses patrons, contre les labos, contre l'industrie chimique, évidemment. Et puis, petit à petit, on a fini par lui rendre justice. Et en 2007, il a contribué à la création de l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale. Pardon. Et donc, voilà un exemple très concret d'une situation qui, à force de ténacité, a fini par faire bouger un peu les lignes sur notre territoire. Mais ça a passé d'abord... Alors, il n'a pas été mis en prison. Mais il a été quand même dans une situation extrêmement difficile. Et donc, aujourd'hui, au-delà des cas individuels, on assiste à un durcissement qui est un durcissement législatif. Vous le savez, sans doute, aux États-Unis, l'ensemble des lanceurs d'alerte sont poursuivis selon des dispositions de l'Espionnage Act, qui est un principe de procédure qui a été, depuis le début de la présidence Obama, c'est-à-dire début 2009, il a été élu en novembre 2008, donc en 7 ans, cette procédure a été plus utilisée par la présidence Obama que pendant l'ensemble de l'existence de l'Espionnage Act qui a été mis en place en 1917. Donc on voit bien là qu'il y a un recours massif. Les États-Unis, certes, ont certainement des problèmes d'espionnage, mais probablement pas autant ces 8 dernières années que pendant les 80 années précédentes, ou les 90 d'ailleurs. Et donc on voit bien que là, il y a un renforcement et un durcissement. Le Japon a réactivé une loi qui est un concept extrêmement vague, qui est la loi qui punit de prison 10 ans s'il y a divulgation de secrets d'État. Alors évidemment, quelle est la divulgation de secrets d'État ? Quelle en est la limite ? Quel en est le contenu ? Donc là, on voit bien qu'il y a des trous législatifs très importants dans deux pays comme les États-Unis et le Japon. Mais on voit aussi que d'autres pays, la France, le Canada, le Danemark, pour ne parler que de ces trois-là, sont en train de durcir considérablement leur législation sur le renseignement et de fait vont mettre en péril, avec ce durcissement, la possibilité des lanceurs d'alerte de s'exprimer. Alors en France, on pourrait dire que le verre est à moitié vide et à moitié plein, puisqu'il y a eu la loi Blandin en 2013. Alors Marie-Christine Blandin, vous le savez, était une sénatrice verte du Nord, qui était d'ailleurs un temps présidente du Conseil régional du Nord. Et d'une certaine manière, elle a donné le début d'un cadre juridique de protection des lanceurs d'alerte dans la loi française. Par contre, la loi sur le renseignement dont il est important d'analyser les objectifs. Prévention du terrorisme. Là, je cite le gouvernement. Hein. Prévention du terrorisme. Indépendance nationale, intégrité du territoire. Intérêt majeur de la politique étrangère de la France. Intérêt majeur de la politique étrangère de la France. Criminalité et délinquance organisée. Prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Ces concepts sont quand même des concepts extrêmement vagues. Extrêmement vagues. Et donc, nous avons besoin de savoir à quel moment, dans quel discours, nous pourrions, par exemple, nous, porter atteinte aux intérêts majeurs de la politique étrangère de la France. Je vais vous prendre un simple exemple qui, moi, ça fait un an que je suis à Amnesty, et c'est un exemple qui m'exaspère. Je pense qu'on devrait faire 4 fois plus de manifs et d'activités sur cette question, qui est la question de la peine de mort en Arabie Saoudite. Hein ? Alors, évidemment, on en parle. J'en parle dans la chronique, vous en parlez, on fait des campagnes et tout, mais enfin, tout de même, on en est à 150 exécutions en Arabie Saoudite depuis le début de l'année. Et les journaux ne cessent de nous parler d'une lune de miel entre la France et l'Arabie Saoudite. On a reçu le souverain d'Arabie Saoudite. On a reçu, il est venu chez lui d'ailleurs, je ne dis pas on a reçu, il est venu dans son palais de je ne sais combien de milliers de mètres carrés à Vallauris cet été. On n'en a pas parlé du tout. On a dit, ah, c'est un problème quand même, là ils ont mis 2 flics sur la petite plage pour que les gens... Alors, je comprends les gens du coin qui n'ont pas pu se baigner, mais enfin il me semble que la question des exécutions capitales en Arabie Saoudite, où déjà... Sur les 6 premiers mois de l'année, il y a eu plus d'exécutions que sur l'ensemble de l'année 2014, et que déjà, c'est un des pays au monde qui exécute le plus. Voilà des vraies questions qu'il faudrait se poser. Et voilà des vraies questions que, probablement, si on les posait, est-ce que nous deviendrons, nous, vous, militants d'Amnesty, vous devriez des ennemis des intérêts majeurs de la politique étrangère ? Hein ? Clémenceau, le célèbre Clémenceau, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui a été... quelqu'un d'important dans la vie politique française. Il n'a cessé de dénoncer la loi sur la censure jusqu'en 1917. Au moment où il est devenu président du Conseil en 1917, et d'ailleurs c'était plutôt une bonne nouvelle, puisque peut-être il a permis en partie à la guerre de se terminer, on lui a posé un journaliste, lui a posé la question, « Monsieur le président du Conseil, vous allez abolir la censure ?» qui était féroce dans la France de 1917, et il a répondu « Je serais trop con pour faire ça. Hein » Donc, on voit bien là que cette loi sur la sécurité présente, dans ses attendus même, dans ses propos, un certain nombre de dangers qui n'ont, à mon sens, pas été assez dénoncés. Ils n'ont pas été assez dénoncés. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, de manière très habile d'ailleurs, nous a entraînés sur le terrain à la fois du terrorisme, ou alors là, évidemment, on est embêté pour répondre, ou on semble embêté pour répondre, et surtout sur le terrain de la surveillance. En nous disant bien, nous allons surveiller de manière aléatoire les citoyens, mais nous ne ciblons personne en particulier. Et c'est bien ça le nœud du problème. À cibler personne, on surveille tout le monde. Et donc la France s'apprête. Manuel Valls, Premier ministre, François Hollande, président de la République, s'apprête à faire exactement ce qu'a fait la NSA aux États-Unis et ce qu'a dénoncé Snowden. Ils vont utiliser ce qu'ils appellent des boîtes noires, hein, comme les avions, des boîtes noires. Des boîtes noires qui sont en fait des capteurs d'information qu'on va installer chez les fournisseurs d'accès Internet pour surveiller, mesdames et messieurs, vos connexions Internet. Donc, évidemment, là encore, moi, par exemple, comme journaliste, j'y m'est arrivé, je vous le dis tout à fait franchement, et je le dis à ceux qui nous écoutent, si on nous écoute, il m'est arrivé d'aller sur des sites de Daesh. J'ai lu le magazine de Daesh en anglais en ligne, parce que je pense que ça contribue à mon information. Mais je vais également, presque quotidiennement, sur le site du Haaretz, qui est un journal israélien. Je lis parfois Le Monde diplomatique, mais parfois il m'arrive de regarder Le Point. Je lis Le Monde, mais je lis aussi Le Figaro, tout ça en ligne, évidemment. Voilà. Je vais voir des films, je vais voir Mission Impossible et je vais voir Mustang. Donc le profil est dressée à partir de mon activité qui est établie par mon fournisseur d'accès Internet. Or, nos fournisseurs d'accès Internet, qui sont-ils en France aujourd'hui ? C'est Orange. Orange, c'est le public et c'est l'État. Donc, d'une certaine manière, si on veut être tranquille, ou si on veut souhaiter être le plus tranquille possible, il faudrait plutôt aller chez Orange. C'est Bouygues. Je ne vais pas vous raconter Bouygues. Hein, donc, c'est TF1. Et c'est la famille Bouygues. C'est les intérêts majeurs d'un certain nombre de républiques pétrolières d'Asie centrale. Vous avez vu peut-être Cache Investigation lundi dernier. Hein, bah, c'est Bouygues. Hein, et c'est France 2 qui a diffusé le sujet. C'est pas TF1. Et les révélations de France 2, le contenu des sujets de France 2 viennent principalement des révélations du canard enchaîné dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est le service public. C'est pas TF1, évidemment. Donc Bouygues, SFR numéricable. Bah, SFR Numéricable, c'est M. Drahi, hein, qui vient de racheter en un temps record, avec de l'argent prêté par la BNP, hein, 32 milliards d'euros, la dette globale de M. Drahi, mais ce n'est pas 32 milliards d'euros qui lui ont permis de racheter en un temps record Libération, L'Express, L'Expansion, BFM, etc. J'en oublie évidemment un certain nombre qui sont à l'intérieur du groupe L'Express, L'Expansion. Drahi, SFR Numéricable. Free, Xavier Niel, possède Le Monde. Actionnaire principal du Monde. On oublie toujours de le dire, parce qu'on parle beaucoup de M. Berger, qui évidemment est moins discret que M. Niel. Mais M. Berger n'est qu'un petit actionnaire du Monde. Et de toute façon, M. Berger a dit qu'à son décès, on verra si c'est le cas effectif, il donnera sa part de capital à ce qui s'appelle le pôle d'indépendance du Monde, c'est-à-dire les salariés, les sociétés de personnel qui contrôlent aujourd'hui à peu près 11% du capital de ce qu'on appelle le groupe Le Monde et qui, avec les apports de Pierre Berger, après son décès, en contrôlerait à peu près 20%. C'est-à-dire, de toute façon, pas ce qu'on appelle la minorité de blocage, qui est à 34%. Donc, même avec les actions de Pierre Berger, dans l'état actuel des choses, les salariés du Monde ne reprendront pas le contrôle du Monde. Par contre, évidemment, Free, qui est une puissance considérable du web en France, Drahi, donc SFR, Bouygues, tous ces gens-là vont collaborer, si ce n'est déjà le cas, avec l'État. Et tous ces gens-là possèdent en partie la presse française. Et donc on voit bien que là, on est dans un piège extrêmement dangereux pour notre démocratie, puisque les mêmes qui nous surveillent sont ceux qui nous informent, ou qui payent les gens qui nous informent, pour être plus précis. Donc évidemment, en surveillant le trafic, en surveillant le contrôle, en pratiquant ce qui s'appelle la pêche au chalut, hein. Donc la pêche au chalut, c'est vraiment comme son nom l'indique. Je vais aller au hasard à travers les boîtes noires que je vais mettre en place chez les fournisseurs d'accès Internet, les activités des uns et des autres, les surveillances des microdonnées, des métadonnées. Les métadonnées sont les surveillances de ce qu'on appelle l'ensemble du web. Et donc je vais analyser les métadonnées pour avoir les grandes tendances de trafic. Alors ça me permet d'analyser, si vous voulez, ce sur quoi ou comment les gens s'informent, les sujets ou lesquels les gens réagissent. Mais ça, on a déjà, par toutes sortes d'éléments, Google Analytics, les éléments de statistiques, par exemple, sur Twitter, vous pouvez avoir déjà des éléments d'information pratiquement en temps réel sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les sites d'information. Par contre, ce qu'autorise la loi Valls-Hollande, en plus des boîtes noires qui pourront s'ouvrir chez les fournisseurs d'accès Internet, les micros, les mouchards, les antennes capteurs, etc. Alors, le gouvernement nous dit, mais arrêtez, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On posait déjà des micros, on posait déjà des mouchards, on posait déjà des antennes capteurs. C'est vrai. Sauf que là, il n'y a plus de limite théorique ni de contrôle possible. Et donc, évidemment, dans la lutte contre la mafia, dans la lutte contre la grande délinquance, même dans la lutte contre certaines formes de terrorisme, on peut réfléchir à des mécanismes démocratiques de surveillance et de contrôle de la surveillance. Mais en aucun cas, nous ne pouvons autoriser un État, fût-ce la France, à surveiller massivement, avec tous les instruments techniques à sa disposition, existants et à venir, l'ensemble des citoyens, sans savoir exactement comment ça se fait. Donc, le message aujourd'hui, eh ben, c'est un message très clairement de bataille pour la liberté d'expression et pour le respect de la vie privée. La campagne d'Amnesty s'appelle Unfollow Me. Ne me suis pas. Voilà. Laisse-moi vivre. Évidemment, on n'est pas complètement dans une impasse. On est dans une impasse relative, mais pas totale. D'abord, il y a un certain nombre de recours contre cette loi qui vont être déposés, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. On verra ce que vont donner ces recours. Deuxièmement, il faut se battre, je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est très important, pour la liberté de mouvement de Snowden, de Julian Assange, etc. Et puis demain, il y a une question politique et il y a une question démocratique qu'il faut se poser. La question politique, elle est quel était l'objectif exact et quel est l'objectif exact de la NSA et de ce qui va naître en France avec la loi sur la sécurité intérieure. Est-ce que cet objectif exact est ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire la cybersurveillance des citoyens, le contrôle numérique de nos sociétés, ou est-ce que la NSA, comme le pensent certains au vu des documents révélés par Snowden, n'est pas en train tout simplement d'être l'agence qui prépare la future cyberguerre. Donc nous avons là des questions qui sont très importantes parce que nous ne savons pas exactement quel est le mandat de la NSA. La question démocratique, il est quelles sont les limites des secrets d'État contre la liberté d'informer. Évidemment, pour moi, toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais ça va être de plus en plus difficile. Aujourd'hui, la question est de savoir, et c'est une question au fond auquel je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui, et en préparant cette intervention, en y réfléchissant ces derniers jours, j'ai bien vu que personne n'a exactement la réponse. Qui est de qui ? Qui est de qui ? Est-ce que ce sont les États qui aident les sociétés de technologie, ou est-ce que c'est les sociétés de technologie qui aident les États ? En d'autres termes, quelle est l'hyperpuissance de demain ? Alors évidemment, là, on arrive dans un versant quasiment prospectif, mais bon, qui nous dit aujourd'hui que des grandes sociétés de la technologie ne sont pas en train, purement et simplement, ne serait-ce que parce qu'elles ont le savoir et la technologie, de prendre le pouvoir sur les États ? On l'a vu avec la NSA. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes avec le gouvernement français qui va placer des boîtes noires chez des opérateurs privés. On voit bien aujourd'hui qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire et que peut-être le capitalisme demain est un capitalisme qui va se baser essentiellement sur la technologie. Et que donc, au fond, ce qu'on peut retenir, c'est deux choses. Un, la NSA, avec Google, et je dis Google, mais je pourrais dire Apple, Microsoft et tous les autres, est en train de bâtir un nouveau monde qui est fait de deux choses. De la surveillance de masse et des profits gigantesques. Hein ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'importance de Google, les milliards, totalement défiscalisés, évidemment. Donc, réfléchir sur les lanceurs d'alerte, ben, c'est aussi se battre pour cela. C'est se battre pour la liberté d'informer, et c'est bien réfléchir ensemble à comment ce combat, qui va être de plus en plus difficile à mener, parce que bizarrement, l'hypertransparence dans laquelle nous vivons produit aussi de l'hyperopacité. Je peux vous dire qu'il y a des boîtes noires qui vont être placées chez Free, mais je ne peux pas vous dire qui va être surveillé dans cette pièce, et en fonction de quels critères. Et donc, le piège est en train de se refermer sur nos citoyens. Ça veut dire que ben, la bataille, elle est politique, et elle est évidemment très importante. La bataille, elle est quasi médiatique, et elle est très importante aussi, mais la bataille, elle doit surtout être citoyenne. Parce que, évidemment, si on est quelques-uns à en parler, quelques-uns à agir, on voit bien d'ailleurs que sur certains sujets, c'est plus difficile que d'autres, parce que les aspects techniques du sujet sont très importants. Et donc là, vous voyez, ça fait 1h10 que je vous parle, et j'ai balayé volontairement, je ne vous ai parlé que du programme X-Score, je n'ai pas parlé des autres, parce que sinon on s'embarquait pour 3 heures. à vous expliquer, mais ces aspects technologiques sont tellement compliqués qu'il va falloir cibler quel est le message, si j'ose dire, essentiel. Et ce message essentiel, pour moi, il est là. Il faut se battre contre la surveillance de masse, il faut se battre pour la liberté d'expression et la liberté d'informer. Là, nous avons le cadre du débat, et je pense que à vous d'agir, en tout cas de parler maintenant.